Peut-être là. Bon, il n'y a pas encore grand monde, mais ils vont arriver. Bon, ben voilà, il est 18h. L'atelier éducation populaire, atelier éduc pop pour les intimes, va démarrer. Donc, on est toujours sur la question quelle société veut-on? Et on va continuer d'avancer sur cette question. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites au cours de cet atelier. Et vous pouvez retrouver tout ce qui a été dit sur le site Debout Éducation Populaire. Et puis voilà, vous pouvez laisser des commentaires si ça vous convient, si ça vous convient pas. Vous nous dites ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci. On est ouvert à toute proposition. Et ce soir, l'axe qu'on a prévu de travailler, c'est bien vivre avec les autres. Donc, dans l'état actuel des choses, on appelle ça le social. Et nous, on va appeler ça bien vivre avec les autres, apprendre à bien vivre avec les autres. Donc, quels sont les points importants pour apprendre à bien vivre avec les autres? On va voir ça ensemble. Et c'est vous surtout qui allez dire ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, ce qui vous paraît important, bien évidemment. Donc, moi, je vais vous relire ce qui a été dit au premier atelier qu'on a fait. Et là, c'était vraiment les grandes lignes. Faudra, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment approfondir pour avoir des choses, des idées concrètes, voilà, qu'on peut mettre en place plus tard. Donc, le premier point, c'était le travail sur soi encouragé. Donc, dès l'enfance, puisque au niveau de l'éducation, on avait dit que c'était dès l'enfance qu'il fallait travailler là-dessus. Donc, travailler sur soi. Trouver une place à chacun en partant du principe que c'est à lui de créer sa voie et non pas à l'autre de lui trouver une case dans laquelle s'inscrire. Donc ça, voilà, il faudra qu'on développe ça ensemble, hein. On va travailler point par point, je pense, sera plus simple. Ensuite, c'est marché comme premier lieu de consommation et d'échange. Donc ça, c'était un peu les projets de la consommation en court-circuit. En gros, c'est ça. Donc, c'est pas forcément des marchés, bien évidemment. On peut avoir d'autres idées. Quitter le confort individuel pour la responsabilité collective dans les choix de production et de consommation. Donc, économie utile surtout en cas de crise écologique. Donc voilà, c'est un peu notre situation actuelle. Changement de nos moyens de consommation et production, social et économique. Ensuite, le respect et la confiance en autrui, entraide et proximité. Donc ça, c'est pour travailler, voilà. Essayer de c'est un peu en relation avec le court-circuit, travailler sur des surfaces plus petites pour que les gens soient plus en contact. Et le dernier point qui était mis en avant, c'était solidarité, prévalence du droit sur la finance. Donc ça, à mon avis. Ça va être corsé. Donc voilà, on va commencer par le premier point, donc qui est le travail sur soi encouragé. Je pense que ça peut être un point qui peut prendre du temps déjà parce que c'est très long. Et aujourd'hui, à mon avis, on en a bien besoin. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont un avis là-dessus? Les gens qui passent, n'hésitez pas à vous arrêter. Vous êtes la bienvenue avec nous pour discuter avec nous. Et donc voilà, on va démarrer tranquille avec les gens qui sont là. Donc le travail sur soi encouragé. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que vous avez des choses à proposer? Tu vas sûrement avoir beaucoup de choses à nous proposer. Pas encore, parce que ma pensée évolue avec celle des autres. Alors, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. En fait, je voulais juste dire aussi qu'on a choisi ce thème-là ce soir parce que ça fait vraiment la transition avec les enfants sur lesquels on a travaillé pendant 2 semaines. Et en effet, sur travail sur soi encouragé, on avait déjà parlé donc dans les enfants, instruction, éducation, aussi des formations pour adultes dans lesquelles il serait bien d'encourager les personnes à utiliser leur imagination et pas simplement à rentrer dans des cases préétablies. Donc voilà, il y avait ça dedans. Après, comme là on commence, c'est très large, donc peut-être qu'on peut aussi commencer par des idées avant d'avoir des propositions concrètes, hein, c'est ce qu'on fait en général. Et voilà, c'était juste pour lancer là-dessus, donc je lance rien vraiment en fait. Ok, merci. Bah, dans l'idée, pour mieux vivre avec les autres, il y aurait déjà un premier travail à faire, c'est d'apprendre à accepter, pas simplement tolérer, mais réellement accepter les différences, qu'elles soient d'origine, de couleur de peau, de langue, de religion, d'opinion, de goût, et qui est une démarche qui est assez différente de ce qu'on connaît dans notre société actuelle, puisqu'elle est plutôt axée sur la certitude. L'idée que ce qu'on fait est forcément bien parce qu'on le fait. Apprendre à en douter et accepter réellement accepter l'opinion des autres, quitte à devoir en débattre indéfiniment. Ouais, ça me paraît être un point très important, en effet, au niveau de l'apprentissage de l'histoire, par exemple. Et apprendre à accepter, parce qu'on nous parle souvent de l'égalité, mais au final, est-ce qu'il faudrait peut-être pas tout simplement apprendre à accepter nos différences, déjà, commencer par là, et ensuite, ouais, on peut essayer d'être égaux, mais au final, est-ce qu'on en aura vraiment envie, une fois qu'on aura appris à accepter les différences des autres ? À voir. On ne sait pas encore. Donc, tu veux t'exprimer ? C'est juste, j'entends l'égalité. Moi, l'égalité, en vérité, j'en veux pas. Je veux pas qu'on ait tous une part égale. Moi, je veux le juste. Quand je veux resquiller un spectacle et que je regarde au-dessus de la barrière, s'il y a 6 caisses, que moi, j'en ai besoin d'une, j'en veux pas 2 chacun si on est 3. L'égalité, ça m'intéresse pas. Je veux que ça soit juste. L'égalité, c'est du pipeau. On n'aura pas tous la même chose, puisqu'on n'a pas tous besoin de la même chose. Arrêtons avec l'égalité, ça sera pas bon. Ça sera pas bon, on va pas donner des chaussures aux Kujat, quoi. L'égalité, c'est du pipeau. Je suis assez d'accord sur ce point. Plutôt apprendre à accepter les différences et à en profiter, au final, parce que je pense qu'on peut profiter de nos différences, au final. Donc voilà, est-ce que d'autres personnes ont des idées sur ça, le travail sur soi ? Tu veux parler ? Je pense que l'égalité des droits, oui, c'est une bonne base. Après, c'est un travail sur soi. Est-ce que tu penses que tout le monde a le droit d'avoir du respect, avoir à manger un toit, des choses de base ? Enfin, c'est incontestable, quoi. Après, je sais pas comment c'est dans ta tête, mais... Juste pour dire que concrètement, je voulais qu'on puisse faire des marionnettes pour de grands volumes pour les événements, manifs ou choses comme ça. Donc on aurait besoin de tubes en PVC. Et on peut se donner rendez-vous mercredi prochain à 17h. Et avec, si on trouve des tubes PVC, des tissus, des trucs comme ça, j'amène aussi du matériel. Et puis... si vous voulez partir sur comme disait la copine, inventer un peu, être créatif, parce que des formations de 2 jours, c'est pas ça qui va nous changer dans notre vie, dans notre tête. Je pense que c'est plutôt en pratique. Puis c'est pas fait en 2 secondes, c'est pas du kit, hein. Faire des marionnettes, c'est long. Et puis il faut inventer aussi un sorte de scénario, même si c'est du déambulatoire, mais quelque chose autour de la marionnette, que ce soit pas juste... une marionnette, mais qu'elle ait une personnalité, une vie, une action. Voilà. S'il y a des questions, je suis disponible. Est-ce que quelqu'un a une question pour cette dame ? Oui ? C'est une question articulée avec ce qu'on a dit avant. Non, mais c'est par rapport à... Là, je dirais pas accepter les différences, mais plutôt les considérer comme un enrichissement. Parce que les accepter, ça voudrait dire, ça nous emmerde, mais on les prend quand même. Voilà. Et donc, du coup, ce serait plutôt les... voir à quel point les différences sont un enrichissement pour chacun. Et je suis tout à fait d'accord sur l'égalité pour les droits, mais pas l'égalité tout le monde pareil. Et du coup... Je pense que ta proposition de construction de marionnettes, ça peut être vraiment, ça peut faire partie des propositions concrètes dans lesquelles, d'ailleurs, les marionnettes pourraient représenter plein de personnes différentes qu'on mettrait en action et qu'on ferait s'enrichir. Enfin, voilà, on montrerait mutuellement de quelle façon ça peut apporter quelque chose à l'autre. Et c'est une super mise en acte, j'allais dire, mais c'est pas, mise en scène plutôt, de ce qui se passe dans la réalité, mais c'est toujours plus facile quand on utilise un objet que quand on est pour se rendre compte aussi des choses. Donc je trouve ça génial. Du coup, j'essayais de marquer quelque chose qui résume un peu ce que vous dites. Et j'ai envie de marquer, pour rejoindre un peu ce que tu dis, ça, j'ai envie de dire créer ensemble, en fait. Ça me paraît pas mal, en fait. Enfin, créer, construire ensemble, voilà, ça me paraît une bonne solution. Ouais, quand je parlais d'accepter les différences, bien évidemment, je ne disais pas que la personne qui vit dans la rue doit accepter que quelqu'un d'autre voyage en jet privé, bien évidemment. C'est, quand je dis accepter les différences, c'est... nos différences de fonctionnement, nos différences de ce qu'on a dans la tête, plutôt en parler au lieu de rejeter l'autre directement. C'était pas, bien évidemment, je ne veux pas que les gens soient tous inégaux à ce point-là. Voilà. Et donc voilà, pour les gens qui viennent d'arriver, donc on est sur l'axe bien vivre avec les autres, dans notre atelier « Quelle société veut-on ?». Donc voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions, des choses pour que le fait de vivre avec les autres s'améliore. Parce qu'on sait que, par exemple, au travail, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours une bonne ambiance. Les gens, des fois, ils sont tendus, parfois, pardon. Ils sont tendus, il y a des gens qui réagissent vivement. Il y a des comportements dans la vie de tous les jours qui je pense, on peut améliorer tout ça. On peut améliorer notre façon de communiquer, par exemple. Donc voilà, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des choses à dire? Non? Bonsoir. Donc le travail sur soi, oui, il faut y aller concrètement. Accepter la différence de l'autre, comment voir par rapport... qu'est-ce que tu viens de dire au travail, par exemple? L'autre qui réagit vivement, faut essayer de savoir pourquoi. Tout simplement, essayer de se comprendre soi-même. Parce que si on essaye de se comprendre soi-même, si on sait comment on fonctionne dans la tête, on va savoir comment beaucoup de personnes fonctionnent. Voilà. Parce que, quelle que soit la personne, on s'est tous énervés au moins une fois dans la vie, on a été content, on a été malheureux, etc., etc. Donc, on va comprendre l'autre, on va avoir de l'empathie, on va se mettre à la place de l'autre. Voilà, tout simplement. Étudier, regarder les pays ailleurs. Telle personne vient d'Amérique du Sud, vient d'Afrique, etc. Donc, le pays d'où il vient, son pays d'origine, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, ce qui fait que lui, il s'est déplacé quand même d'un pays d'origine, il est venu dans un autre pays. C'est pas le même climat. Il a peut-être pas sa famille, etc., etc. Donc, il y a plein de bouquins. Tout ça, c'est de la psychologie, en fait. La psychologie, c'est pas fait que pour les psychologues. Il y en a plein des bouquins à Gibert Jeune et dans les librairies, et ça coûte pas cher. On peut même les avoir gratuits, etc. Donc, il faut vraiment se sentir responsable, moi je dis. Parce que chaque acte qu'on fait dans la vie, ça a un impact sur les autres de toute façon, parce que nous sommes tous liés. Voilà, donc faut un jour s'arrêter, tout simplement, s'observer et se dire, je vais faire un geste, je vais aller vers quelqu'un et puis je vais essayer de travailler ma différence. Ça, on peut échouer beaucoup de fois, mais on va y arriver quand même. Faut savoir qu'on est... Quand on était petit, on est tombé à peu près 300 fois avant de réussir à marcher. Voilà. Donc on peut y arriver, même si on essaye 300 fois de comprendre quelqu'un, la 301e fois, on va la comprendre. Non, je voulais juste dire merci pour ce témoignage et je suis d'accord avec toi. Personnellement, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que tout le monde a des avis différents, mais c'est intéressant de... Enfin, voilà. C'est pour ça que je pousse les autres à dire ce qu'ils en pensent, à dire ce qu'ils ont envie de dire. Et... Alors moi, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, le copain. D'un côté, je suis d'accord avec toi. D'un autre côté, je suis pas d'accord parce qu'en fait, tu as parlé de livres. Et dans les livres, moi, quand j'ouvre un livre, je me dis, c'est une histoire. Que si tu vas à la rencontre de la personne directement, qui est quand même un très grand livre humain, là, le livre est réel. C'est la réalité de la chose. Tu peux venir me voir, on peut discuter, tu vas aller voir quelqu'un d'autre et tu vas discuter sur un autre sujet. D'accord? C'est comme ça qu'on peut apprendre. Moi, comme je le voyais ce matin, je me suis amusé un petit peu avec attracter en même temps à deux pas. Puis je suis tombé sur une petite nana. Bon, on a commencé à discuter de ça, tu vois, à discuter du contact, à discuter de parler, à discuter du respect. Du respect humain. Et... On a remarqué sur la discussion que le français, principalement le parisien, ne prend plus le temps tellement qu'il est pris dans l'engrenage du stress, dans l'engrenage de tout. Moi, quand je vois les gens sur Paris, il se passe que les gens sur Paris, le matin, c'est métro, je cours pour aller au travail parce que je suis assez pressé. Et le soir, c'est je prends le métro, je cours parce qu'il faut que je rentre à la maison pour préparer la popote. Là, c'est pas une façon de vivre. Parce que les gens t'ignorent, te snobent plutôt. On va dire te snober, c'est encore plus, c'est le mot exact. De l'autre côté, par rapport à la réflexion de se créer tous ensemble, c'est tout simplement de passer du moment, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de parole, et derrière de pouvoir se dire, bon bah voilà, lui il m'a appris, donc dans la rue, la solidarité, elle existe un petit peu plus que nous qui avons notre billet de 10 euros dans notre portefeuille. Où il n'y a pas de solidarité, où tout de suite vous voyez quelqu'un qui vous demande un euro, bah ah non désolé, j'ai que ma carte de bleu ou mon porte ou tout simplement un billet. J'ai pas de monnaie. Si on continue à vivre avec un système de banque, carte bleue, chéquier, ceci, cela, le contact envers les personnes ne passera pas. Ça sera un mur. Et ce mur-là, si on arrive à le démonter comme a été démonté le mur de Berlin, bah, c'est là qu'on pourra dire, voilà, on a réussi à avoir une société anticapitale, c'est-à-dire ne pas penser à l'argent, et d'avoir une société humanitaire. Et c'est ça le truc. Mais si les contribuables qui travaillent toute leur vie, qui à la retraite, à la fin du compte, ils sont à 450, 500, 600 euros maximum, ça devient grave parce que c'est quand même le taux de quelqu'un qui touche le RSA, quand même. Comme je le vois tous les jours, moi, en tant que sans logis, hein, je ne suis pas SDF, je préfère pas dire ce mot-là. C'est trois lettres, parce que voilà, ça me fait mal au cul de pouvoir les sortir. Mais je dirais simplement les sans logis qui remarquons que tout simplement le compte bancaire, les ceci, bon, nous, ça sert hein, quand même, parce que voilà, il faut quand même recevoir de l'argent sur quelque chose. Mais si on arrive à pouvoir créer ce système que voilà, ta paye, bah, tu la touches en espèces directement, tu te dis, bon bah voilà, cette espèce c'est à 1200 euros, sur 1200 euros, bah, je vais payer tout ce qui me reste, et je vais compter à la fin de avoir tout payé, ce qui me reste. Alors, ce qui va rester, tout simplement, d'où vient cette société, c'est le reste du capital. C'est-à-dire, il va te rester 50, 100 euros maximum pour vivre. Et tout ça, si la connaissance des livres, bah, que moi j'ai jamais vu, sortirait des choses comme ça, bah derrière, on pourrait apprendre grâce aux livres. Mais on n'apprend pas grâce aux livres. Même à l'époque des guerres où nos grands-parents ont subi, où nos parents ont subi, les arrière-grands-parents et ainsi de suite, bah la connaissance, tu vas avoir un ancien qui a vécu cette époque-là, il va pouvoir te l'expliquer parce qu'il l'aura vécu. Un bouquin chez, comme tu disais, le magasin là, Gilbert Jeune et tout ça, bah, le bouquin, il va t'écrire ce qu'il a envie d'écrire. Voilà. Et il est là le problème, c'est que tout simplement, la finition du savoir de la personne sera coupée en deux, voire en trois. Voilà. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Sébastien, mais bon. Moi, j'irais pas jusqu'à dire quand même qu'il faut rejeter le livre parce que, enfin voilà. Ouais, mais c'est quand même intéressant. Enfin, c'est voilà, il y a. Ouais. Oui, non mais d'accord, ok. Mais aujourd'hui, on arrive à faire du papier avec de la pierre. Et donc voilà. Ah oui, tu voulais. Pardon, excuse-moi. Du coup, j'ai oublié. Oui, bonjour. Il y a une ça me prend la tête, bon bref. Il y a une initiative que j'ai lue là, récemment qui se fait au Danemark, très intéressante. On a inclus justement dans le système pédagogique des cours d'empathie. Donc très tôt, ça apprend finalement aux jeunes de comprendre l'autre, d'éviter de couper justement, de réhumaniser justement la société et de couper cet esprit de compétition qu'on ancre dans la tête des enfants très tôt et qui est source effectivement de gros problèmes parce qu'on sait très bien comment ça se passe. La compétition, elle est source vraiment de danger, de division de la société, et entre autres, corollaire. Voilà. Et je trouve effectivement cette initiative d'empathie assez intéressante. je dirais aussi, associé aussi à une lecture sérieuse de l'histoire, avec un H, c'est-à-dire le récit historique de la France coloniale, entre autres. Voilà, tout ça, quoi. Il faut rétablir un peu la vérité au niveau pédagogique. Et c'est vrai que ça formate, finalement, des élèves à mieux se comprendre, à mieux respecter l'origine des autres et à grandir, effectivement, et former une société qui est complètement, qui sera complètement différente de celle que l'on vit à l'heure actuelle. Du moins, je l'espère. Oui, au niveau de l'histoire, ce serait pas mal de donner un peu tous les points de vue, en fait. Parce que, bon, là, pour le moment, nous, à l'école, on en a à peu près un. Donc, donc voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur le travail sur soi. Vous voulez... Voilà, on est sur le travail sur soi, donc vous pouvez dire ce que vous voulez mettre en place, que vous avez vos idées, tout ça. Ben, en gros, je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites. La différence, ce n'est pas accepter les différences, mais admettre que c'est un enrichissement, que nous sommes... que nous appartenons à l'espèce humaine. Et comme on dit... Ouais. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde, c'est pas... C'est vrai, c'est absolument vrai. Sur la question de comment... Il y a une phrase très simple qui... Il y a la qui dit « Ne te comporte pas avec les autres comme tu n'aimerais pas qu'on se comporte avec toi. » Je pense que c'est un, ça a l'air très banal, très bébête, mais je crois que c'est fondamental pour arriver à... Enfin, c'est la base de l'empathie, d'avoir conscience que l'autre personne est un autre soi-même, quelque part. Bon. Alors, l'ONU, le problème avec le sujet de la discussion, c'est que ça nous ramène obligatoirement à la réalité économique qui fait que tout est fait pour nous diviser, pour clac, clac, clac. Tu as différence de salaire, différence de... Tout est cultivé vraiment pour nous séparer et pour nous dire toi t'es mieux que l'autre. Une société basée sur la concurrence est forcément c'est mal barré, négative. Et, bon, et c'est pour ça que je pense que c'est excellent que ce genre de discussion ait lieu comme ça. Donc, pour le moment. Tu veux participer ? Ouais, alors effectivement, le vivre ensemble, c'est super important. Et je pense qu'il y a une question aussi à se poser, c'est quand on est en relation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de cette personne ? Quelle est notre limite ? Quelle limite est-ce qu'on se met ? Parce que ça peut arriver qu'on se parle un peu mal, ça peut arriver jusqu'à l'insulte, ça peut être de la bagarre. Donc je pense que poser la question du vivre ensemble, c'est aussi poser la question de ce qu'on se donne comme écoute, jusqu'où on est prêt à entendre l'autre. Ouais, très intéressant en effet comme point. Et vraiment je pense que une bonne réussir à parler avec ses sentiments et pour comprendre ce qu'on veut, il faut qu'on sache ce dont on a besoin déjà. Et quels sont nos besoins vraiment importants dans la vie. Voilà. De quoi nous avons réellement besoin. On peut se le demander, je pense. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ouais, c'est le vivre ensemble. Tu veux participer avec nous? T'as une réaction? Ah non, c'est Adèle. Oui, c'était pour reprendre la question de l'argent. Alors moi, j'ai pas forcément d'avis parce que j'ai du mal à m'imaginer. Mon imaginaire est encore un peu bloqué, donc une société sans argent. Mais je pensais comme ça à la création de pots communs au lieu où, en parallèle des aides sociales, où par exemple, donc les gens qui reçoivent un salaire pourraient remettre ce salaire dans les causes qui les intéressent et ensuite participer de façon démocratique et locale pour prendre des décisions par rapport à ces causes. Donc ça pourrait se faire au sein d'une petite ville, au sein d'une commune, où à chaque fois, voilà, il y a des propositions de budget, un budget participatif, c'est déjà hyper connoté, mais on va dire des pots communs, voilà, c'est le mot que j'ai trouvé, dans lesquels on puisse réinvestir, mais ça peut être 1 euro, 50 euros, 100 euros, peu importe, en fonction des moyens de chacun. Parce que je pense que imposer une solidarité, faut que les gens se rendent compte en fait que les décisions qu'ils prennent en participant à l'amélioration de la condition de chacun va changer aussi leur mode de vie à eux. Donc créer des pots communs et prendre des décisions ensemble, ça permet aussi de faire des rencontres et de voilà réfléchir à plusieurs. Bon, on a cette situation là qui ne fonctionne pas dans notre périmètre, même si c'est un périmètre restreint. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Et ensuite, donc chacun va mettre par rapport à ce qui est proposé des dons en place. Voilà. C'est... Ok. Du coup, c'est sur le savoir-vivre ensemble, hein, c'est des trucs comme ça. Excusez-moi, j'arrive un petit peu. Travail sur soi. Moi, j'ai une réflexion il n'y a pas très très longtemps quand j'ai parlé de ce qu'on était en train de faire sur la place à des gens qui n'étaient pas du tout en Île-de-France et en fait ils m'ont comparé ça à ce qui se passait avant dans les villages ou qui se passe encore dans certaines villes, villages de campagne où en fait dans les villages le soir, notamment dans le sud, les gens ils sont dans la rue en fait, ils s'assoient sur une chaise longue. Et en fait, vous vous baladez dans le village et vous vous arrêtez quasiment à toutes les deux portes. Et en fait, les gens se parlent. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement se perd de nos jours et qu'on arrive à retrouver dans des, on va dire, dans des régions à forte identité. Par exemple, au Pays Basque, en Catalogne, en Bretagne, en Corse, parce que ils veulent garder entre guillemets ces valeurs. Alors il y en a qui diraient que c'est un peu old school, etc. Et ils ont une identité très forte et qui les relie. C'est vrai qu'en Île-de-France, l'identité elle est plus obscure à trouver. Pendant un moment, c'était le 9-3, c'était le 9-5, c'était chaque département, on mettait un point entre les deux chiffres. Mais parce qu'en fait, on savait pas vraiment. Parce que l'Île-de-France, on est mélangé, on est de toutes parts. Il y a les provinciaux, il y a les gens qui sont dont les parents sont nés ailleurs. C'est un melting pot tout ça pour se dire qu'en fait cette solidarité en fait se fait naturellement dans certaines villes encore. Alors ça se fait à travers des fêtes de village, ça se fait à travers du sport par exemple, et on retrouve ce regroupement et cette solidarité. Et tu parlais de pots communs, etc. Bah ça se fait naturellement. C'est genre je sais pas, vous avez une rue et tous les gens de la rue une fois par an bah, ils vont faire une bouffe ou l'été plus souvent, etc. Ils vont tous ramener quelque chose qu'ils auront fait eux-mêmes, ou alors ils font un pot commun pour faire les courses. Donc ça existe encore dans certains endroits. Et c'est vrai que c'était assez rigolo parce que du coup les gens me disaient « Ouais, mais ce que tu fais à République, en fait, ce lien social que tu essayes de créer, bah, finalement nous, ici, en province, on l'a déjà un petit peu. Et donc si tu veux faire des débats dans certaines villes, bon, tu auras peut-être un petit peu moins de succès. » Parce que les gens, ils ont la chance à deux pas de chez eux bah, de trouver ce lien qui a été un peu perdu, je pense, dans les grandes villes. Je peux pas parler des autres grandes villes, mais en tout cas, parce que j'y ai jamais habité, mais en Île-de-France, par exemple. Donc je sais pas si je suis hors sujet ou pas, mais j'avais envie de partager en tout cas cette petite expérience et ces idées. Merci pour ton intervention, et non, tu n'étais pas hors sujet. Tu voulais intervenir, c'est ça ? Moi, c'était juste pour dire, en fait, quand, le travail sur soi, je réfléchis un peu depuis tout à l'heure entre deux blabla et je fais des moments d'égarement aussi. Et je me suis dit, en fait, quand, pour travailler sur soi, faut déjà admettre une chose. Notre beauté, c'est qu'on est imparfait. Le lion, il est destiné à sa chose. La tortue aussi, ils sont tous destinés et nous, on est imparfaits. On sait pas. Et de notre imparfait, on sait qu'on peut être mieux. Après, faut pas tomber dans ce piège d'être l'idéal, c'est pas possible. Donc il y a un danger. Mais la beauté, c'est qu'on est imparfait. Et une fois que tu l'acceptes, bah tu peux travailler sur toi. Après, faut saisir les accroches. Mais il y en a qui sont trop simples. Hein. Faut quand même faire de l'escalade. C'est pas de la randonnée, quoi. Le travail sur soi, c'est pas une randonnée, c'est quand même de l'escalade. Donc faut faire le parcours. Hein. Faut faire le parcours. Et je te jure, à la fin, tu te dis, merde, je suis déjà là, en fait, compte. Ah ben, c'est bien. Mais il y a encore des chemins, hein. Il y a encore des chemins. Et il y a des étapes. Et à chaque palier, tu fais une belle pause. Parce que c'est quand même sympa de profiter de où t'es, quoi. Parce qu'à chaque fois, le point de vue, il est différent. et tu regardes loin et je te jure, hein, t'as le même décor mais il est beau. Parce que c'est normal, t'as avancé. Et c'est juste ça, c'est juste ça, c'est une escalade. Mais je suis pas gros quoi, j'ai pas fait de travail pour. Mais je la fais tous les jours. Merci pour ton intervention et belle image. Belle image. Quelqu'un veut participer? Quelqu'un veut intervenir? Ou est-ce qu'on passe au point suivant? Ça n'intéresse personne le travail sur soi? On est mal barré là par contre. C'est une idée qui m'est venue là dans le fil de la discussion. Plusieurs fois, il était évoqué le problème de la concurrence et enfin plus ou moins de l'égoïsme. Donc, pour mieux vivre ensemble, bah, il serait bien d'apprendre à renoncer à une part de son intérêt particulier, de son intérêt personnel, juste une part, afin de laisser place un peu à l'intérêt de l'autre, laisser une plus grande place à l'intérêt de l'autre, c'est-à-dire s'enrichir en donnant, quoi. C'est pas le profit individuel qui va nous aider à mieux vivre ensemble, mais plutôt le partage ou même la dispersion de ce profit. Je me permets du coup, moi aussi je cogite en même temps que vous intervenez. Le travail sur soi, alors pareil, je suis arrivé en cours de route, donc je sais pas si ça a été dit, mais en fait, je pense qu'au bout d'un moment, il faut... c'est un peu ballot ce que je vais dire, mais quand on se réveille le matin, faut se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour essayer d'améliorer un peu, alors pas le monde, ça serait des ambitions, enfin pourquoi pas, hein, si on, mais par plein de petites choses en fait, on peut améliorer en tout cas le monde ou le monde qui nous entoure. Et pour avoir rencontré en fait énormément de personnes, je pense qu'on, je vais prendre l'exemple quand on arrive dans le marché du travail en fait. On a plein de d'images, on a plein de choses qu'on nous a enseignées, qu'on nous a dit, et entre ce qu'on nous a dit et ce qui est la réalité du terrain en fait, généralement il y a un monde entre les deux. Et surtout maintenant on a tendance à être un peu alors je vais être caricatural, mais je vois les enfants ont tendance à être un peu pourri gâtés et on leur donne tout et à tort ou à raison d'ailleurs. Et après, moi je me dis tout le temps, quand ils arriveront sur le monde du travail, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Et ça va être chaud parce que par moment, en étant un petit peu caricatural encore, c'est un peu la guerre, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, moi je pense qu'en bout d'un moment, c'est qu'on apprend par nous-mêmes et par la force des choses. Et moi, il y a des choses que des personnes disent, c'est mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce que je fais là, en fait, faut que j'arrête, quoi, parce que déjà, je le ferai pas à un de mes proches, je le ferai pas à ma sœur, je le ferai pas à mon frère, je le ferai pas à mes parents. Donc, ce qu'on me demande de faire là, en fait, c'est de la merde. Et en fait, je vais arrêter. Et c'est très très compliqué, en fait, d'avoir cette démarche-là, parce que quand vous avez cette démarche, rien que le fait de se poser la question, c'est que vous en rentrez en résistance. Et aujourd'hui, rentrer en résistance, on le voit, c'est compliqué, surtout dans le monde du travail. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience, mais que derrière, aujourd'hui, on a affaire à cette espèce de fatalité, et on dit oui, mais c'est comme ça. Et c'est ce mais oui, mais c'est comme ça, en fait, qu'il faut combattre. Et il faut dire aux gens qu'en fait, ils sont pas tout seuls à être dans cette situation. Et il faut pas être isolé. Et justement, on en revient toujours un peu à la même chose, c'est si on est plusieurs à être dans ces situations-là, et que dans notre coin, on se dit, ouais, mais voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, boulot métro dodo, ça rime à rien. Ma vie, je galère pour finir mes fins de mois ou pour donner à manger à mes enfants, et c'est pas comme ça que ça devrait être. Et voilà, après, il faut se réunir et faire un peu ce qu'on est en train de faire là, mais encore 10 fois plus nombreux. Mais le travail, voilà, je pense que concrètement, c'est ça. Il faut se dire qu'est-ce que je peux faire. Alors après, dans la travailler sur soi dans la société idéale, ça sera un peu plus facile parce que dans la société idéale, ce qu'on a vu, je pense que le monde du travail, il serait pas comme ça, la société serait pas comme ça, et ça serait beaucoup plus facile et rationnel. Là, je suis revenu un petit peu à notre société d'aujourd'hui. Je suis désolé, mais voilà, pareil, c'est un partage d'idées. Bah, juste pour répondre à ce que tu viens de dire, en fait, dans l'atelier sur l'éducation, enfin voilà, tout ça, on l'a. Enfin, je pense que tout ça, en fait, faut vraiment le commencer dès le plus jeune âge. Et après, quand les gens sont adultes, ça leur paraît juste évident, en fait. Pour nous aujourd'hui, le travail sur soi, c'est très dur. Mais si tu le mets en place dès l'enfance, je pense que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Nous, on a beaucoup de travail, c'est pour ça. Ouais, mais du coup, ça me fait penser juste à. Il y a une citation qui me tient à cœur que je dis souvent. C'est donc c'est ma Gandhi, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, en fait. Et pour moi, c'est ça parle beaucoup sur le travail sur soi et c'est pour les autres. Et du coup, je suis désolé parce que j'ai cherché la citation parce que je voulais pas dire de la merde. Je voulais dire la citation exacte. Et du coup, j'en ai trouvé deux, trois autres de lui qui pour moi sont très parlantes dans ce qu'on est en train de dire, en fait. Bon, je suis obligé. Il y avait par exemple le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Enfin, pour moi, ça me parle aussi et un peu dans le sujet. Et j'en avais une dernière. Non, qui rejoignait un peu ce que disait monsieur. En fait, tu ne connaîtras pas forcément le résultat d'une bonne action, mais si tu ne fais rien, il n'y aura pas de résultat. Voilà, enfin, ça c'est bête, mais voilà. Et sachant qu'aujourd'hui, on n'accepte pas l'erreur à l'école, voilà. Après, ça donne un fonctionnement où tu as peur d'essayer. Quelqu'un veut réagir ? Intervenir ? Ouais, tu voulais ? Alors, ces jours-ci, je lis un bouquin, ça s'appelle « Les lois spirituelles ». Et en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué. Bon, grosso modo, bon, c'est une histoire inventée, mais c'est quelqu'un qui dialogue avec Dieu. Et en fait, Dieu lui dit, mais en fait, l'homme se remplit de bêtises. C'est-à-dire que l'homme se remplit d'activités inutiles, des amusements, etc. etc. Comment ? Je disais que l'homme... Ces jours-ci, je lis un livre qui s'appelle « Les lois spirituelles ». Et que c'est, grosso modo, c'est un dialogue avec Dieu. Mais donc Dieu lui dit à cette personne que l'être humain se remplit de choses inutiles. Et qu'en fait, il suffit qu'il se remplisse d'amour pour être heureux. Donc c'est pour ça que quelqu'un disait dernièrement qu'il faut laisser les choses mourir. Et pour laisser place, en fin de compte, à l'amour, l'amour universel, hein, pas l'amour entre hommes et femmes. Hein. Ça peut être, voilà, aimer un frère, etc., etc., quoi. Je pense que tout le monde a compris. Ainsi, comme disait monsieur à côté de moi, on va voir les choses différemment. On va voir Paris super beau, même s'il pleut, même s'il fait super froid, pour ceux qui n'aiment pas le froid comme moi, par exemple. Mais voilà, c'est moi, quand je reviens d'un voyage, Paris super beau. Métro, boulot, dodo, les gens, ils sont super stressés, mais je trouve tout beau. Voilà, tout est beau, tout simplement. Bah écoute, tu as bien de la chance, je pense que tout le monde n'est pas dans ton cas, donc profites-en bien. Et donc tu... Oui, bien sûr, tu as travaillé sur toi et tu as réussi à t'épanouir, c'est super. Moi j'avais envie de revenir un peu sur l'idée que tu as dite au début, sur créer ensemble, l'importance de créer ensemble. Où je crois que c'est... fondamental, effectivement. D'une part, parce que... D'abord, un truc... On le sait tous, mais on ne le réalise pas toujours. C'est combien le rapport humain est fondamental. Et autant pour notre survie que pour notre santé mentale. Quoi. Il suffit de passer quelques jours seul, de se sentir mal aimé. On est malheureux comme des pierres. Il suffit qu'on puisse parler, échanger, se dire « Ah, je ne suis pas tout seul, c'est génial !» Et puis bon, et tout d'un coup... Bah, ça va mieux, l'espoir renaît. Et par rapport à la question. Le bonheur s'expand une fois qu'on l'a touché. Oui, c'est sûr. Mais certainement, le fait d'agir en commun dans un but, c'est le sort, c'est d'avoir un objectif. Bon, aujourd'hui, l'objectif. On peut chercher qui se dessine, c'est changer le monde. Alors comment ? Ça, c'est la question, les histoires sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Mais c'est clair que ce sont des conditions fondamentales nécessaires pour être bien ensemble. D'avoir un accord sur dans quel sens il faut aller et comprendre pourquoi la présence de l'autre, l'entraide, la compréhension, le faire ensemble est fondamental. Merci. Et tu voulais peut-être parler. Tu voulais parler, non ? Non ? Non, hésite pas à parler au micro, hein, c'est mieux. Donc voilà, donc on est toujours sur le travail sur soi, bien vivre avec les autres. L'axe bien vivre avec les autres et on parle sur le travail sur soi. Voilà, est-ce que ça peut apporter des choses ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez des idées de choses à mettre en place ? Tu voulais parler J'attends sagement. Non, en plus, tout à l'heure, tu as parlé de spiritualité, c'est là-dessus que je voulais venir. Parce qu'on parlait tout à l'heure de, voilà, d'être dans la rue, le rapport à l'étranger notamment. Et je me disais, dans la Grèce, donc avant le monothéisme, dans la notion d'hospitalité, il y avait le fait que celui qui vient, l'étranger qui vient vers toi, est potentiellement un dieu. Donc comme il peut être un dieu, puisque le dieu était manifeste, enfin pouvait se manifester dans des êtres humains qui venaient, comme il était potentiellement un dieu, tu devais l'accueillir comme, mais même plus que ta propre que ta propre personne surtout, mais même que ta propre famille. Il fallait vraiment lui faire l'honneur qu'il vienne chez toi en fait. C'était un honneur d'avoir quelqu'un qui vient chez soi. Et je pense qu'on n'est pas obligé de croire en Dieu pour penser ça d'une façon très intéressante. Enfin, je trouve ça assez génial en fait en soi de le penser comme ça. Et je voulais juste dire une autre chose. Oui. Admettre que l'on n'est pas parfait, mais sans forcément rechercher un idéal, tout à fait, surtout que les idéaux, en général, ils nous sont quand même imposés de l'extérieur. Donc, ou alors chercher son propre idéal en soi, mais finalement, ça vient tout seul avec l'escalade. Moi, j'adore ton image, hein, parce que quand t'arrives en haut du rocher, enfin, si c'est un rocher, on peut escalader d'autres choses, t'as un point de vue sur ce qui t'entoure, et à ce moment-là, tu vas voir autre chose. Et c'est ton idéal, ça va être l'autre chose que tu vois. Et une fois que tu vas arriver à l'autre point, hop, tu vas revoir autre chose et nouvel idéal. Donc un idéal, c'est terrible en fait, parce que ça veut dire se baser directement sur un inaccessible et ne jamais l'atteindre. Donc c'est, enfin voilà. Merci. Est-ce qu'on continue ? Tu voulais parler, non ? Non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire sur ce sujet ? Tu veux parler ? Je voulais juste rectifier un peu ce qui vient d'être dit. C'est que dans les sociétés primitives, chaque étranger pouvait éventuellement être un dieu, mais il pouvait être un démon. Donc il fallait vachement se méfier, faire attention et arriver à identifier qui est l'être qu'on rencontre, qu'on reçoit. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y avait la loi d'hospitalité. De toute façon, il fallait lui donner à manger, il fallait lui donner à dormir, etc. Même dans certains pays, lui donner sa femme. C'était quelque chose de normal. Mais c'est encore dans toutes les traditions religieuses, aussi bien musulmanes que catholiques que protestantes. En théorie, ça se fait plus. Mais il y a un exemple que j'ai vu dans un livre de Ivan Illich, d'un chinois de ses amis qui s'est converti au catholicisme, et il a eu l'idée d'aller à Rome à pied, faire un pèlerinage. Alors depuis la Chine, il a traversé plein de pays, et dans tous les pays où il allait, le soir, il frappait une porte, et on l'accueillait, on lui donnait à manger, à dormir, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive en Pologne, où on lui a dit, bon ben il y a un truc pour les étrangers, il y a un asile, un centre d'accueil, où si tu veux je te donne 10 euros, puis tu te démerdes. Mais l'accueil c'était fini. Merci. Donc, pour rebondir sur ce que disait madame avec les lunettes de soleil, donc en effet, on n'est pas obligé de croire en Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je crois en quelque chose qui nous a créé, mais il ne s'appelle pas Dieu, il ne s'appelle pas Allah, il n'a pas de nom. C'est vraiment spirituel. C'est au-delà de la religion. La religion fait partie du spirituel. La religion a un niveau de conscience, le spirituel est au-dessus. Bref. Moi, je voudrais parler peut-être pour ceux qui ne savent pas trop comment faire, en fait, pour changer, pour évoluer, en fin de compte, pour escalader la façade, la montagne. En fait, il suffit de se poser la question à soi-même. Comment je pourrais faire? Comment, etc., etc. Et madame a raison, en fait, compte. Parce que le créateur peut parler à travers quelqu'un. Mais n'importe qui. C'est pas spécialement un prêtre, un rabbin ou je sais pas. Non, n'importe qui. Monsieur à côté, partout là. Tous autour de vous, tous autour de moi. C'est que la parole, quand il va parler, quand la personne va parler, ça va résonner en vous. Et ça va répondre à votre question. Ça s'appelle la synchronicité. C'est comme, je me pose une question, comment faire. J'ouvre un bouquin, paf, et je tombe pile poil sur le mot qui va me parler. Voilà, et ça existe. Et voilà, il suffit juste de se nettoyer, essayer de ne pas penser à trop de bêtises, arrêter de regarder la télévision, de réduire un peu le téléphone, manger un peu plus sain, éliminer pas mal de choses, le sel, le sucre, etc., etc. Et ah oui, c'est pas évident, mais il faut savoir faire des sacrifices pour que quelque chose d'autre puisse naître en nous. C'est comme, en fin de compte, c'est comme le dieu Shiva chez les Indiens, c'est le dieu de la destruction. Mais c'est pas la destruction comme la bombe des Français qui va tomber sur le pays des autres. Hein. Non. C'est juste quelque chose qui meurt en nous pour quelque chose d'autre qui naisse. Voilà. Le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens de la construction. Le sens inverse, c'est le sens de la destruction. Voilà. Mais c'est pas la destruction mal. Voilà. Le bien et le mal, c'est des choses aussi un peu inventées par l'homme, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, tu parles pas de destruction matérielle. Alors, après, je te passe la parole. Alors, je sais pas si... Oh là là. Comme ça ? Je sais pas si vous avez vu le film Demain, en fait. Et je trouve que ce film, il apporte beaucoup de choses si on les met en place, en fait. Après, il y a des niveaux qu'on peut pas atteindre forcément, mais par rapport rien qu'à l'économie, je sais pas si à Paris, il y a ce truc de monnaie locale. Je sais pas si ça existe à Paris. Non ? Enfin, je sais que moi, à Strasbourg, on a cette monnaie locale qui a été appliquée dans la ville de Strasbourg, et rien que ça, c'est un début. Rien que par rapport à l'argent, d'avoir sa propre monnaie, c'est faire bouger les gens qui sont autour de nous, et pas de le donner aux gens qui sont là-haut. Et de se faire croire qu'on est des pantins, c'est leur laisser le choix qu'on reste des pantins, alors que si on les réduit eux à des pantins, on peut faire changer les choses aussi. Voilà. Et après, on m'avait une fois posé la question, c'est quoi l'amour ? Et je savais pas quoi répondre. Et on m'a dit, c'est le respect, la liberté et l'honnêteté. Et je trouve que c'est carrément vrai, en fait. Voilà. Merci pour ton témoignage. Et oui, le film Demain est très intéressant, en effet. Et je pense que le problème de Paris, c'est que c'est trop grand, en fait. Et du coup, c'est très compliqué. Parce que si tu vas en banlieue, dans des petits quartiers, ou même, je pense que ça fonctionne plutôt par quartier que toute la ville dans l'ensemble, parce que c'est trop compliqué à gérer. Apparemment. Non, c'est bon. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est l'atelier du pop. Hein, et là, en ce moment, on parle de bien vivre avec les autres. Et on est sur l'axe le travail sur soi. En fait, on avait défini que le travail sur soi était encouragé pour bien vivre avec les autres. Ben, sur bien vivre ensemble, là, il m'est venu une réflexion de Tiano Bokhtar, qui est un philosophe, penseur et religieux malien, qui avait dit « c'est ce que tu donnes qui t'enrichit ». Merci. Très intéressant. On peut réfléchir là-dessus pendant quelques heures. Non, du coup, est-ce qu'on continue sur cet axe ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des choses à dire ? Sur le travail sur soi ? Non. On va clôturer le sujet, c'est ça ? On passe à la suivante ? Enfin, au suivant, d'ailleurs. On passe au suivant. Alors, trouver une place à chacun en partant du principe que c'est à lui de créer sa voie et non pas à l'autre de lui trouver une case dans laquelle s'inscrire. Donc, je peux répéter la phrase si vous voulez déjà. Donc, je vais rétrécir. C'est à la personne de créer sa voie et non pas à quelqu'un de lui dire où il doit aller. On va dire ça. C'est à la personne de choisir où elle veut aller et non pas. Et on peut, je pense que, enfin, pour introduire comme ça, moi, c'est mon idée. On peut avoir des guides, mais pas des personnes qui nous obligent à aller dans une certaine direction. Mais je pense que certaines personnes peuvent nous guider quand même. Je pense que c'est important. Parce que l'être humain tout seul, encore une fois, sais pas trop ce que ça devient, mais voilà. Donc déjà, on peut critiquer. Enfin, vous pouvez, voilà, vous pouvez dire ce que vous en pensez de cette phrase et voilà ce que vous, ce que ça vous donne comme idée. Alors déjà, la phrase a fait mal au cerveau déjà pour la partie critique. Mais c'est bien, du pop, on fait des phrases qui font mal au cerveau. Mais mes premières réactions comme ça à chaud, on en avait déjà un peu parlé finalement sur l'éducation, je pense que quand on a parlé de l'éducation, c'est-à-dire quand on disait il faut laisser le choix aux enfants de faire ce qu'ils veulent faire, etc. etc. Et notamment on avait dit lui donner un pinceau, un ciseau ou un crayon, un truc comme ça, et après tu fais ce que tu veux, ou éventuellement un truc de sport à côté, enfin bref. Moi je pense que de toute manière, dans la société idéale, de toute façon, tu parlais de guide, moi j'appellerais plutôt ça d'espèce de sage en fait, parce qu'on a besoin, et c'est vrai que souvent on a tendance à séparer les jeunes et les anciens, et finalement... on se rend compte que il faut un mix des deux. Je veux dire, on a besoin des sages, on a besoin de leur savoir, on a besoin de leur vécu, on a besoin de leur histoire. Et nous, on a aussi, des choses différentes à leur apporter. Et les plus jeunes, c'est encore différent. Et je trouve que ce lien-là, il est très très important et malheureusement, il commence un petit peu à se perdre. Et je vois, on va dire, la génération, des trentenaires actuels, en fait, on est un peu à cheval, c'est un peu con ce que je veux dire, mais on a connu avant Internet et on a connu l'Internet. Donc on est encore un peu entre les deux. Mais notre génération, la génération d'après, on l'a déjà dit ici, mais il y a tout un tas de savoirs qu'on peut aller piocher sur Internet, un savoir qui est plus ou moins vrai. Plus ou moins on peut en penser ce qu'on veut, et j'ai l'impression que ce lien entre les anciens est en train de se couper, et ça faut absolument garder ça. Et c'est vrai que je vais reprendre mon exemple des villages, et dans les villages il y a effectivement encore ces anciens qui sont souvent assis au même banc, et on se demande ce qu'ils font toute la journée, mais faut aller vers eux, faut discuter avec eux. Et c'est très très important. Et il faut garder ce lien-là. Et je pense que déjà, si on fait ça, on fait déjà une partie du chemin. Voilà. J'espère avoir encore ouvert des portes pour un débat. Ouais, pour moi, en fait, la phrase, elle me parle assez. En fait, mais je vois ça très concrètement, c'est que on fait. Pour remettre une situation concrète, c'est l'orientation en fait des jeunes. Pour moi, ça me parle. Enfin, je mets ça en rapport. Il y a pas mal de jeunes qui sont déçus de leur orientation scolaire. Et pour moi, ça représente vraiment ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on met les gens dans des cases par rapport à leur diplôme, par rapport à même pas leur diplôme, à leur capacité. Mais je veux dire, c'est ridicule parce que ça va en troisième. Ah, t'as 10 en maths. Ah, t'as 12 en maths. Enfin, ça joue sur 6 mois dans ta vie. Quand t'as 14 ans, et de là on va dire tu vas aller en compta et du coup tu vas faire ça, et du coup tu vas, comme si bref, pour moi c'est vraiment représentatif, et du coup ça va ça part vraiment de l'éducation, encore une fois c'est là où on doit vraiment laisser le champ libre en fait, et absolument pas tout de suite chercher le plus tôt possible à les mettre dans une case. Pour moi c'est vraiment un mauvais chemin, mais les idées pour le faire concrètement, c'est pas évident, mais comme on a déjà dit, les pédagogies différentes, etc., je pense que c'est un bon chemin, mais voilà. Ouais, dans l'idée, c'est que t'auras forcément plus de haine dans une société où tu forces les gens à rentrer dans une case que si tu leur demandes où est-ce qu'ils ont envie d'aller, quoi, par exemple. Oui, désolé pour la phrase. Alors, par rapport aux cases, en fait, je vais essayer de l'expliquer un petit peu, peut-être que ça marchera mieux. Mon esprit n'est pas si obscur. C'est qu'en fait, on évalue les compétences des gens, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit aussi dans les loisirs, pour faire du sport, enfin pour tout. Alors maintenant qu'en plus il y a Internet, c'est bien, on a tout le truc administratif par Internet en plus, c'est beaucoup plus facile, les gens peuvent le faire derrière leur ordi, ils cochent les cases et puis ils sont catalogués dans un truc, et on va leur dire, faut que vous alliez dans ça. Mais ça touche beaucoup plus de choses que seulement l'éducation. C'est aussi en psy, c'est aussi en, enfin, c'est dans tout, quoi. Et c'est aussi pour le choix des livres, c'est aussi quand on va sur Internet, parce qu'on est toujours amené vers les mêmes contenus par rapport à ce qu'on a fait avant. Enfin, c'est pas exactement les mêmes cases, mais c'est toujours le même principe. Tu as certaines orientations, donc on va poursuivre dans cette orientation que tu as. Alors que, donc, du coup, ça développe deux aspects. Le premier, comme tu as ces compétences-là, enrichis-en d'autres. Va avoir d'autres choses que tu ne connais pas. Ça peut être le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est, tu as ces compétences-là, et il y a déjà ça qui existe par rapport à ces compétences. Mais qu'est-ce que toi, tu veux faire avec tes compétences qui n'existent pas encore? Donc, c'était vraiment dans ce sens-là, c'est la phrase. Il n'y a pas le premier aspect, mais il y a le deuxième. C'est plutôt que les compétences que tu as, ou les envies, ou les réflexions que tu as pu avoir, plutôt que de les mettre au service de quelque chose qui existe déjà, en faire quelque chose de nouveau, qui n'a pas encore été créé, quoi. Ok, merci. Est-ce que... Ah, vas-y. Mais du coup, par rapport à la phrase dite, je pense que, effectivement... C'était quoi la phrase de nouveau? C'était... Donc, je vais la relire lentement pour tout le monde. Donc, on réagit sur la phrase suivante. C'est « Trouver une place à chacun en partant du principe que c'est à lui de créer sa voix » et non à l'autre de lui trouver une case dans laquelle s'inscrire. Donc c'est qu'en fait, c'est des idées que les gens nous ont données, qu'on a notées, et maintenant on essaye de développer sur ces idées. Donc là, c'est vraiment, l'idée c'est que les gens, ils ont peut-être envie de développer leur propre chemin, plutôt qu'on leur dise, bah tiens, toi t'es comme ça, t'iras là, toi t'es comme ça, t'iras là. En gros, c'est ça, voilà. Et du coup, je pense que la base part par l'éducation des parents, de l'école aussi. Et du coup, si déjà les parents ou l'école nous apprend à écouter notre cœur, c'est déjà le début de la voie. Et s'il n'y a pas ça, ben, c'est déjà compliqué, parce que si déjà les parents et l'école nous mettent dans des cases, comment faire? Du coup, si peut-être il faut apprendre à éduquer les parents d'aujourd'hui pour éduquer les enfants d'aujourd'hui, etc., parce que c'est une chaîne qui finit jamais, une boucle infinie. Du coup, apprendre à écouter son cœur, c'est déjà pas facile, mais du coup, si on a des guides pour apprendre à écouter notre cœur, c'est déjà pas mal. Donc. Merci. Merci pour ton intervention. Je te passe le micro après. Moi, c'est juste pour dire surtout, parce qu'en ce moment, ils sont en train de parler d'un projet de loi pour rendre la loi obligatoire, l'école obligatoire de 3 à 18 ans, je sais pas quoi, ils veulent prolonger la durée. L'école n'est pas obligatoire. C'est l'éducation. C'est pas... Non, l'éducation. Tu dois éduquer ton enfant, lui apprendre à lire, à écrire. Ils ont réussi à rentrer la Marseillaise, mais tu t'en fous. S'il a pas la moyenne à 18+, c'est pas grave si c'est pour la Marseillaise. C'est pas grave. En gros, l'école n'est pas obligatoire. Ce qui compte à l'enfant, c'est l'instruction, qu'il apprenne tout ce qu'il lui faut. J'ai quelques potes qui ne vont pas à l'école, ils sont grands comme ça, ils sont bien mieux. Ils sont bien mieux, je vous jure. Ils sont bien mieux. Donc, l'école, l'instruction de ton enfant, c'est la scolarisation, ça inclut une école. Ça inclut une école. Scolariser un enfant, ça inclut une école. Mais si tu veux prendre le... Oui. Mais voilà, c'est important de... N'oubliez pas les gens, l'école, c'est superflu. Et quand on voit jusqu'à à 16 ans ce qu'ils apprennent, je leur apprends, je suis pas allé à l'école. Non, non, mais oui, c'est bien l'instruction qui est obligatoire. Hein. C'est bien ça, on nous l'a dit à l'atelier d'avant. Et on nous l'a bien mis en avant, d'ailleurs. Et c'est important, c'est très important de le savoir, c'est vrai. Moi, je le savais pas, personnellement, je le savais pas. Voilà. Ah oui, c'est vrai, tu voulais réagir. Et après, c'est à vous. Alors, c'est juste à propos des orientations. La liberté de choix, oui, mais bon, déjà, faut que les choix soient possibles. Et puis après, la liberté de choix, si on n'a pas beaucoup de choix, après, le problème, il n'est pas que de la liberté de choix, il est aussi des choix qu'on a. Plus on a de choix, plus on a une vraie liberté de choix. Donc aussi, il faut avoir connaissance de plein de choix possibles pour s'orienter dans la vie. Et donc, c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de connaissances de choix, en fait, la liberté de choix, c'est bien, mais il faut avoir un maximum de choix pour avoir vraiment une réelle liberté de choix. Voilà, c'était juste pour faire avancer un peu le débat sur la question de la liberté de choix, parce que liberté de choix, ça suffit pas. Voilà, il faut un maximum de choix. Il faut connaître un maximum de choix pour s'orienter. Voilà. Ouais, du coup, il y a un gros travail pour montrer tout ce qui est possible de faire déjà, tout ce qu'on connaît. Enfin, c'est vrai qu'à l'école, on nous dit ce qu'on veut faire comme travail, mais à 14 ans, on en connaît à peu près 10 ou 12 à peu près, je sais pas, mais ça dépend des gens. Mais bon, c'est y a quelqu'un qui veut parler déjà. Ben moi, cette discussion, enfin, comme tous les points qui ont été abordés, la première chose qui me vient à la tête toujours, c'est combien la société actuelle, justement, interdit cette aspiration. Alors, pour le premier point, ça me paraît, je suis absolument d'accord avec la phrase, autant dans sa version compliquée que dans la version simple, que c'est la meilleure vie qu'on peut souhaiter, c'est une vie où on peut s'épanouir, où on peut, le but de l'être humain, c'est d'arriver à développer au maximum ses capacités. C'est ce qui le rend heureux, c'est ce qui le rend, ce qui lui permet de s'épanouir. Et donc, je suis bien entendu tout ce qui peut permettre, faciliter ce libre développement, ce libre épanouissement, on ne peut, enfin, je ne peux qu'être pour. Mais encore une fois, dans un monde où l'être humain est considéré comme un moyen de production. Aujourd'hui, on nous éduque en fonction de quoi? En fonction de un capital qui doit qui doit s'accroître. C'est, tout est au niveau de... C'est, pour avoir le droit d'exister, il faut que ça rapporte du fric. Sinon, on n'a pas le droit d'exister, sinon on n'a pas le choix. Il y a des trucs qui me rendent toujours malade. Il y a des jeunes qui étudient biologie, par exemple. S'il y a une discipline qui est belle, la biologie, c'est l'étude de la vie, sur tout plein d'aspects. La quantité de jeunes que j'ai connus qui se retrouvent, qui ne le font pas, ou qui se retrouvent dans la merde parce qu'il n'y a pas de débouché, parce que ça coûte... Ou alors ils se retrouvent à travailler dans des industries pharmaceutiques, sondeuses, machin, enfin, les trucs, les saloperies qu'on connaît. Bon, c'est-à-dire, la société actuelle est contre la vie. Elle est pour le fric et contre la vie. Et donc, je soutiens absolument, mais on ne pourra, je pense, passer à autre chose que lorsqu'on aura, qu'on arrivera à saper les bases d'une société où tout n'importe où, on ne peut exister que si on rapporte du fric. Voilà. Ouais, on fait passer aux gens que leur épanouissement personnel viendra de la somme d'argent qu'ils auront sur leur compte en banque, un peu. Dans notre éducation, c'est un peu ça. Oui, c'est pas que ça. Pour choisir, il faut avoir des choix, mais aussi la capacité de choisir. Et c'est un truc, on parlait des vieux tout à l'heure. Moi, je crois que déjà, il faudrait supprimer les enseignants. Ça, c'est la première chose à faire, parce que c'est... Enfin, quand moi, j'étais jeune, je savais, enfin, j'ai appris, peut-être dans les livres, mais... que dans le passé, au Moyen-Âge, par exemple, le fils du maréchal Ferrand était maréchal Ferrand, le fils du menuisier était menuisier, le fils du curé était curé, etc. Et puis ça avait disparu, quand moi j'étais jeune, il y avait beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de choix. Et puis maintenant, moi je suis en train de m'apercevoir que le fils d'un acteur, il est acteur, le fils d'un médecin, il est médecin, le fils d'un avocat, il est avocat. Par exemple, dans notre classe politique, à 99%, ils sont tous avocats. Et donc, on revient au passé, on revient aux structures. Il y a des... Il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a des quartiers où il y a les personnes d'un certain niveau culturel ou de richesse. Ils ont leur quartier, leur bar, leur cinéma, etc. Les pauvres, ils ont leur quartier, leur cinéma, les pauvres... En fait, chacun a son, comment dire, son milieu, son ambiance, et on ne peut pas changer. Enfin, c'est très difficile de changer. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais ça vient en particulier des enseignants, parce que c'est des gens qui étaient assez bons à l'école, qui ont continué, à un certain moment, ils ont choisi de devenir enseignants, donc ils sont restés dans l'école avec leurs bouquins, etc., et ils enseignent ceux qui savent, forcément, à des élèves, mais ils n'ont rien vu de la vie. Ils n'ont vu que des livres. Tout ce qu'ils savent, c'est dans les livres. Et comment... C'est impossible qu'ils puissent éduquer quelqu'un à avoir un métier, un travail, qu'est-ce que c'est le travail, qu'est-ce que c'est de travailler ensemble, si eux-mêmes ne l'ont jamais fait. C'est pas possible. Ouais, bah pardon, du coup j'ai pas écouté. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? D'accord. On se squeeze souvent entre nous, c'est normal. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit et sur la personne d'avant, pour préciser un petit peu, on a déjà fait deux ateliers avant sur l'éducation, on a abordé toutes ces choses-là. Donc pour pas se répéter, c'est pour ça du coup on fait par axe. Donc essayons de bien rester dans l'axe. En effet, tout ça on l'a pris en compte, mais donc du coup on essaye d'évoluer en faisant des axes. Et par rapport à ce que disait la dame, pareil dans cet atelier, en fait ça va se faire en deux temps. Le premier temps pour l'instant est utopique, c'est-à-dire on essaye d'imaginer. Bien sûr, on part de la société qui existe, parce que c'est l'imaginaire dans lequel on est. Mais on essaye d'imaginer quelque chose de radicalement différent, ce qu'on souhaiterait. Et on a eu d'ailleurs des ateliers où c'était extraordinaire. On finissait par sortir des trucs qu'on n'avait jamais pensé tout seul dans notre coin. Et on était en train de voir le monde, même on était en train de se dire la dernière fois, mais on aurait tous envie d'être enseignants en fait dans ce monde-là. C'était un exemple parmi d'autres. Mais voilà, donc c'est pour ça. Pour l'instant, on n'essaye pas de savoir comment est-ce qu'on fait pour y arriver. D'abord, on l'imagine. Et la deuxième étape de l'atelier... On est parti pour quelques années, hein, bien sûr. La deuxième étape de l'atelier, ce sera à partir de maintenant, comment on fait pour y arriver. Alors voilà, c'était le point un petit peu de précision. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Khaled, je sais pas où il est, sur la liberté de choix. Alors, la liberté de choix, c'est ce que j'essaie de préciser un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Et en fait, je voudrais faire même une proposition concrète, c'est-à-dire que ce soit lors de l'enseignement ou que ce soit même plus tard, par exemple quelqu'un fait un travail ou cherche un travail, ou bon, on n'a pas encore parlé du travail mais ça viendra, qu'il y ait par exemple donc tous les choix qui existent, alors déjà qu'on ait connaissance de tous les choix qui existent, et qu'il y a une autre option, c'est aucun de ces choix ne me correspondent, je veux en inventer un. Et puis bah à ce moment là bah, toutes les personnes qui iront là-dedans pourront se retrouver ensemble si elles ont plus des idées vers ça ou plus des idées vers ça. Et c'était vraiment dans cette idée-là de pouvoir créer à partir de sa propre envie, ses propres compétences certes, mais aussi sa propre imagination. Enfin, voilà, on était beaucoup sur développer l'imagination la semaine dernière et c'était génial. Et donc voilà, peut-être imaginer du coup connaissance de tous les choix qui existent et une autre option, ces choix ne me conviennent pas, j'ai pas envie d'aller vers cela, donc je propose d'en inventer d'autres. Et là, travail collectif aussi pour le faire. Et pour savoir si ces choix nous conviennent ou pas, à mon avis, il faut passer par la pratique, ce qui doit être important. Ça serait bien que ce soit mis en place, qu'on puisse pratiquer plus pendant l'école. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'exprimer, intervenir, poser des questions, dire quelque chose? Ah, c'était... Bon, pardon, excuse-moi. Merci, Jérôme. Je t'excuse. Ne t'excuse pas tout le temps. Ouais, bon, en fait, Adèle a un peu tout dit ce que je voulais dire, mais c'est vrai que le lien entre ce qu'on a vu au niveau de l'éducation, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que souvent, nous aussi, on évolue, et en fait, ce qu'on a aimé dans notre, on va dire, enfance, adolescence, et qu'on a appris et qu'on a fait, ça peut évoluer, en fait, et après, on se rend compte que finalement, ça nous intéresse plus ou qu'on a déjà fait le tour du truc. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de... avant de pouvoir faire un choix, quel choix on a. Et j'en reviendrai un petit peu à mes sages ou ce que certains d'autres appellent des guides. Et pourquoi pas faire effectivement des espèces de portes ouvertes ou des choses comme ça. On présente entre guillemets les métiers, etc. avec des trucs pratiques ouverts à tout le monde, sur des places comme on le fait actuellement. Et c'est aussi, on peut, avec ça, on peut reprendre aussi vie dans la ville, etc., etc., ou même dans les villages. Ça peut être par saison, par exemple, tout ce qui est agriculture, où il y a des métiers qui sont saisonniers, enfin, il y a plein de choses. Et on avait vu aussi dans la partie éducation que ça serait bien que les élèves, entre guillemets, puissent aller dans différents endroits de France pour voir ce qui s'y passe dans le sud, etc. Et ça serait peut-être l'occasion, parce qu'il y a des métiers qu'on pratique plus, et encore une fois je prends l'agriculture, dans certains endroits que dans d'autres, garder cet esprit un peu d'ouverture au niveau des métiers, des pratiques, et ça, ceux qui peuvent les transmettre, effectivement, pour moi, encore une fois, c'est les sages et c'est les plus anciens. Voilà. Merci pour ton intervention. Ben, pour la liberté de choix, je me trompe peut-être, mais il faudrait aussi introduire l'idée qu'on a le droit de se tromper et on a le droit d'échouer. C'est se tromper, bah, c'est pas grave, j'ai essayé ça, en fait ça me convient pas, bon bah tant pis, on va passer à autre chose. J'ai voulu faire ça, mais j'y suis pas arrivé, bah c'est pas grave, je réessayerai ou j'essayerai autre chose. C'est en fait c'est se démarquer de cette notion utilitariste et de rendement qu'a cette notre société actuelle. Ouais, très important en effet, très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, je vois, n'hésitez pas à vous rapprocher déjà, parce que je vois il y a des gens, ils sont loin. Et voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher, à venir vous asseoir avec tout le monde là et à discuter. Tout le monde peut intervenir. Donc c'est Atelier du Peuple, quelle société veut-on? Et ce soir l'axe c'est bien vivre avec les autres. Donc voilà, le côté social, on va dire, par rapport à notre société de tous les jours. Et ici, on est utopique, donc faut pas hésiter à dire des choses qui nous paraissent impossibles et à essayer de se dépasser, voilà, intérieurement, pour, voilà, n'hésitez pas. Hein, ah mince, non, tu veux pas intervenir? Tu veux, du coup? Juste, s'il y a personne d'autre, c'est pour rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Bruno. Je voudrais aller encore plus loin, c'est non seulement on a le droit de se tromper et d'échouer, mais surtout essayons plein de choses, parce que chaque expérience, et d'autant plus si elle ne correspond pas à ce qu'on veut, et bah du coup on sait mieux comment orienter son désir derrière, et elle nous a apporté en tout cas une nouvelle perspective. On apprend de chaque expérience, et c'est vraiment ça fondamental. Donc en fait il n'y a jamais d'échec, l'échec n'est pas possible, simplement on réoriente son désir, on se dit ah je pensais que mon désir était là, mais finalement je vois qu'il est plus décalé parce que ça m'a apporté ça qui n'y répondait pas forcément, et petit à petit comme ça on est en fait tout le temps en train de créer même en se trompant quoi. Ouais c'est vrai que bah comme on disait tout à l'heure hein, si t'as vraiment peur d'échouer t'essayes pas au final hein, parce que comme ça t'es sûr de pas rater, donc c'est pas comme ça qu'on avance. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut intervenir? N'hésitez pas à dire ce que vous avez envie de dire. Ah, monsieur. Bonsoir à tous. Moi, c'est la première fois que j'interviens sur Place de la République. Je suis un peu stressé en parlant. Je suis pas du tout militant ou quoi que ce soit. La question, quelle société veut-on? Moi, j'arrive pas à... C'est beaucoup trop gros pour moi. En revanche, je sais de quel métro je veux, de quel RER je veux. Je rêve d'un métro et de RER où les gens se regardent dans les yeux, se sourient, se disent bonjour. C'est ce que je fais régulièrement. J'ai même déjà préparé un petit texte que je vais probablement un jour, dans les semaines à venir, juste dire dans une rame de métro pour interpeller les gens, pour qu'ils lèvent les yeux de leur smartphone et qu'ils se regardent. Et c'est ma façon de rêver. Et en fait, c'est complètement possible. D'insuffler quelque chose qui s'illumine dans les relations entre les gens. Je rêve d'une France où on voit toute la richesse qu'il y a dans la culture africaine, toute la richesse qu'il y a dans la culture musulmane. Je vois de très très belles choses en termes de liens spirituels, de liens avec la nature, de liens dans les valeurs familiales. Et aujourd'hui, l'idée que j'ai, c'est de peut-être d'en faire un film, de faire un petit tour de région parisienne ou de France pour aller rencontrer ces différentes communautés et montrer ça. Et je me dis que en étant moi-même dans une paix intérieure et puis aussi en révélant la beauté qu'il y a chez les autres et en étant d'une certaine intégrité dans mes relations, c'est comme ça que petit à petit, à mon niveau, je peux apporter des choses et inspirer. Après, qu'est-ce que sera la société? J'en sais rien. Mais en revanche, j'ai cette confiance que plus individuellement je suis dans une énergie positive, plus j'incarne ça, plus ça va se diffuser autour de moi et en inspirer d'autres, et ça pourra que marcher. Très intéressant comme témoignage. On va demander à la RATP de recruter des agents d'entretien de la bonne humeur dans les rames du métro. Et voilà, on verra. On verra ce qu'ils vont nous dire. Merci d'avoir participé. Donc il y a un point technique, c'est ça? Tiens, vas-y. Bonjour, il y a une réunion cahier debout pour préparer la version automne ou hiver des cahiers qu'on a distribués tout l'été, qui était prévu à 19h, mais comme on n'a pas de sono et du coup on risque de pas s'entendre, c'était pour faire une annonce pour dire qu'on allait au Toucan et que après Educ Pop, vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse de participer à la confection de la prochaine édition des cahiers debout. Voilà. Merci. Ouais, au Toucan, c'est ça. D'accord. Bon ben voilà. Vous pouvez intervenir comme la personne précédente. Hein, c'était pas forcément dans le sujet, mais c'était très intéressant quand même. Donc, à propos des thèmes justement de comment vivre mieux ensemble, on pourrait pas faire quelque chose pour qu'il y ait moins de, pour qu'il baisse le volume un peu à côté, parce que c'est très difficile. De s'entendre quand il y a des sonos si fortes. Bon. Mais sinon, pour revenir sur la question, la première condition pour pouvoir vivre ensemble, c'est qu'on ait quelque chose à faire ensemble. Et pour faire quelque chose ensemble, il faut qu'il y ait un minimum de communauté humaine. Or, la société dans laquelle on vit est une société qui est dominée par un truc très simple qui est le capital. Jamais l'humanité a été aussi liée entre elles. Mais nous sommes tous liés au capital, on travaille tous pour quelqu'un. Mais entre nous, on n'a rien à dire, ce que disait le monsieur dans le métro tout à l'heure, c'est absolument vrai. Si on veut voir dans le métro, on peut être jusqu'à 8 personnes par mètre carré. Mais on n'ose pas se parler. Si on regarde quelqu'un dans les yeux, l'autre devient parano immédiatement. Parce qu'on ne fait rien ensemble, parce qu'on ne peut rien faire ensemble, parce qu'on n'est pas maître de la vie. Et si on n'est pas maître, c'est essentiellement parce qu'on a des rapports de production, on a des rapports sociaux, qui sont déterminés par un truc très simple qui est le salariat et le capital. On travaille pour le capital et tant qu'on n'a pas dépassé le capitalisme, le seul moyen de se retrouver, c'est dans la lutte contre le capitalisme. On ne peut pas discuter de rapports humains ou de comment pourrait-on vivre tant qu'on est dans une société qui est dominée par des rapports capitalistes. Et je crois que c'est, même si ça paraît utopiste, c'est la seule chose réaliste, vraiment. Si on veut vraiment changer quelque chose, il faut changer d'abord la base même dans laquelle on vit, et c'est d'abord dépasser le capital, dépasser le capitalisme. Lorsqu'on aura quelque chose à faire ensemble, lorsqu'on aura chacun un minimum de prise sur la vie sociale, là on aura de quoi parler. Si on regarde par exemple ici les assemblées qu'il y avait au début, quand il y avait les grandes, où c'était plein de monde, ou on regarde 68 par exemple, une des caractéristiques c'est que tout le monde se parlait. Tout le monde avait quelque chose à dire, on était d'accord ou pas d'accord, mais parce que ce qu'on disait et l'opinion qu'on a une conséquence sur la vie sociale. Donc la première chose qu'il faudrait se mettre en tête, c'est si on veut rêver de comment vivre mieux, il faut déjà commencer par dire comment peut-on faire pour dépasser ce système dans lequel on est tous liés à un centre abstrait, le capital, mais on n'a pas de rapport entre nous parce qu'on est totalement atomisé. Merci. Donc, je vais donner la parole. Ouais, pour répondre. Monsieur, moi, je vais vous répondre. Je suis entièrement d'accord, comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à dans le métro. Mais je dirais aussi, pour une société qu'on voudrait, bon, en tant que personne humaine, c'est pas que dans le métro, c'est dans les rues aussi. Parce que quand vous demandez à quelqu'un, vous dites bonjour à quelqu'un, c'est « Ah non, désolé, j'ai pas ». Et pourtant, vous lui dites bonjour, hein. C'est tout. Il parle directement sur le rayon du portefeuille, ce qu'on appelle le capital. C'est-à-dire que pour moi, je visionne ça tous les jours H24, 7 jours sur 7. Avec plusieurs copains qui sommes dans la même galère, mais on a encore une solidarité, on a encore un respect envers les gens, c'est-à-dire la personne qui est sans logis, qui vous dit bonjour tous les matins, qui vous donne un sourire, qui vous jette un appel, approchez-vous, on est comme vous, on est des êtres humains, on est en chair et en os. Alors une société qu'on peut changer, c'est la société du capital, comme vous l'avez dit. La société du capital, faut arrêter tout simplement de se dire, voilà, lui, il a zéro dans sa poche et moi, j'ai 10 euros dans ma poche. Ça, faut arrêter de se le dire parce que, en tant que